Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Pourquoi es-tu triste, mon frère? Pourquoi es-tu triste, ma sœur, alors que Dieu a fait de grandes choses? Pourquoi es-tu négatif? Tu es focalisé seulement sur des choses négatives, alors que l'Éternel a fait pour toi de grandes choses, alors que l'Éternel t'a béni, il t'a donné un mari, il t'a donné une femme, il t'a donné les enfants, le travail même que tu as. Il y a ceux qui n'ont pas ce salaire. Bientôt, le Seigneur va t'élever davantage. Commence à le louer, commence à le glorifier. Réveille-toi, nous sommes à OSP. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Opération sur la brèche. Nous allons lire Néhémie chapitre 7, 1 à 60. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Lisons Néhémie chapitre 7. Du premier verset au verset 60. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. J'ai donné mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre, par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire les dénombrements. J'ai trouvé un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait émené captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, à chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Ramia, Nakamani, Nashamani, Mardoché, Bilshan, Misret, Bigvai, Neum, Bana, nombre des hommes du peuple d'Israël, les filles de Paréoche, 2172, les fils de Shepatia, 372, les filles d'Arak, 652, les filles de Pachka, Moab, les filles de Josué et les Joab, 2818, les filles de Lam, 1254, les filles des Atou, 845, les filles des Akaï, 760, les filles de Binui, 648, les filles de Bebaï, 628, les filles d'Azdad, 2322, les filles d'Adonika, 667, les filles de Bigvaï, 2067, les filles d'Adin, 655, les filles d'Ater de la famille d'Ézéchias, 98, les filles de Hashum, 328, les filles de Betsaï, 324, les filles d'Arif, 112, les filles de Gabaon, 95, les gens de Bethléem et de Netopha, 188, les gens d'Anatot, 128, les gens de Beth-Azmavet, 42, les gens de Kirjajarim, de Kephira et de Beroth, 743, les gens de Rama et de Geba, 621, les gens de Mikmas, 122, les gens de Bethel et d'Aï, 123, les gens de l'autre Nebo, 52, les fils de l'autre Elam, 1254, les filles de Harim, 325, les filles de Jéricho, 345, les filles de Lod et de Hadid et d'Ono, 721, les filles de Sena, 3930, sacrificateurs, les Lévites, les fils de Jehadia, de la maison de Josué, 973, les filles d'Imer, 1052, les filles de Pashur, 1247, les filles de Harim, 1017, les Lévites, les fils de Josué et de Kadmiel, des filles de Hodva, 74, chantres, les filles d'Azaph, 148, portiers les filles de Shalom, les fils d'Ater, les filles de Talmon, les fils d'Akoub, les filles d'Abtita, les filles de Shobai, 138, Netiniens, les filles de Tsisha, les filles de Azoufa, les filles de Tabaoth, les filles de Kéros, les filles de Sia, les filles de Padon, les filles de Lebana, les filles de Agaba, les filles de Salmaï, les filles d'Anan, les filles de Gidel, les filles de Gachar, les filles de Reaja, les filles de Retsin, les filles de Nekoda, les filles de Gazam, les filles d'Uza, les filles de Passiak, les filles de Bezaï, les filles de Meunim, les filles de Nefishim, les filles de Bakoub, les filles de Akoufa, les filles de Arur, les filles de Batslit, les filles de Meïda, les filles de Arsha, les filles de Barkos, les filles de Sisera, les filles de Tamash, les fils de Netsia, les fils de Atifa, fils des serviteurs de Salomon, les filles de Sotai, les filles de Sorefet, les filles de Perida, les filles de Jala, les filles de Darkon, les filles de Gidel, les filles de Shepatia, les filles de Atil, les filles de Poreket, Atsebaim, les filles d'Amon. Total de Netiniens et des filles de serviteurs de Salomon, 392. Amen. Nous allons partager dans ce passage deux grandes vérités tirées de ce texte. La première vérité concerne les caractéristiques d'un bon leader. Il y a trois éléments que je voudrais relever ici. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait choisir les hommes qu'il faut et les établit à la place qu'il faut. Notre société aujourd'hui connaît une grande crise de leadership dans tous les secteurs, y compris l'Église. Parce que nous établissons ou bien nous nommons des personnes qu'il ne faut pas à la place qu'il faut. Nous ne mettons pas les gens qui sont compétents. Nous désignons souvent les gens selon les obédiences ethniques, tribales. Mais Néhémie était ce genre de personne qui savait identifier des personnes avec des compétences pour les mettre à la place qu'il faut, parce qu'après l'exil, après la reconstruction de la muraille, il fallait réorganiser la société. Il est dit au verset 1. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Donc, c'était des fonctions précises. Il y avait des fonctions qui étaient allouées ou attribuées aux lévites. Il fallait établir chacun maintenant à sa place. La muraille étant reconstruite, il fallait qu'il y ait des portiers, les gens qui étaient chargés de garder les portes. Il y avait les chantres, c'était des gens qui étaient des conducteurs de la louange. Ce n'était pas n'importe qui s'improvisait. C'était des personnes faisant partie de la tribu de Lévi, des gens qui étaient consacrés. Aujourd'hui, c'est n'importe qui se dit, moi je suis chantre, je vais commencer à chanter parce que je connais chanter la voix soprano, alto ou bien ténor. Mais il y a la notion de consécration qui manque. Et au verset 2, il dit, « J'ai donné mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. » Ce n'est pas mauvais de donner une tâche à un parent. Je peux avoir mon frère, mon petit frère ou mon fils, mais pourvu qu'il soit compétent. Vous voyez, au nombre de personnes à qui Néhémie a attribué des responsabilités, il y avait son frère Anania. Et il n'a pas désigné parce que son frère, mais il avait des compétences. Et on cite même un certain Anania, chef de la citadelle, on dit homme supérieur en grand nombre par sa fidélité. Donc, il a choisi quelqu'un qui était fidèle. Il était reconnu, réputé comme étant quelqu'un de fidèle et quelqu'un qui craignait Dieu. Deuxième caractéristique d'un bon leader, il donne des instructions précises dans l'organisation du travail, pour la bonne marche du travail. Il dit au verset 3, « Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste, devant sa maison. » C'est ce que, en ressources humaines, les gens vont appeler les job descriptions. C'est-à-dire, lorsque tu donnes une responsabilité à quelqu'un, il faut lui donner la description de son travail. Il faut qu'il sache des instructions, que voilà, il doit faire ceci, il doit faire cela. Et c'est sur cette base qu'on peut l'évaluer. Troisième caractéristique d'un bon leader, c'est quelqu'un qui gouverne avec Dieu. C'est vrai qu'on peut avoir des compétences, mais si on met Dieu de côté, eh bien, c'est difficile qu'on réussisse sa mission. La Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il est dit au verset 5, « Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et les peuples pour en faire les dénombrements. » Mon Dieu m'a mis à cœur. Ça veut dire, ce qu'il faisait, ce qu'il posait comme acte, venait de Dieu. Il s'est laissé diriger par Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien, peut-être que tu as étudié à Londres, à Paris, à Washington, mais ce n'est pas parce que tu as étudié à Londres, à Washington, que tu dois être rempli de toi-même. Si Dieu ne te soutient pas, tu ne réussiras pas ta mission. Donc, Néhémie, c'est un leader qui savait mettre Dieu à sa place. Il dit, mon Dieu m'est mis à cœur. Les grandes décisions qu'il prenait, ça venait de Dieu. Deuxième grande vérité, c'est l'importance des archives. Oui. Néhémie s'est rendu compte que pour faire les dénombrements, il avait besoin d'abord de consulter l'existant. Et il est dit ici, au verset 5, « Mon Dieu m'a mis au cœur d'assembler les grands, les magistrats et les peuples pour en faire les dénombrements. J'ai trouvé un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y vis écrit ce qui suit. » Nous avons besoin des archives. C'est pourquoi nous avons besoin d'un minimum d'administration. On doit avoir des archives, que ce soit dans nos églises. Il faut qu'il y ait des archives où on peut voir, par exemple, les registres des membres. Il y a combien de membres? S'il y a des cartes de membres, ça doit être bien archivé. On doit être en mesure de savoir qui était le président de l'église, qui était le premier, tout ça. Quels sont les responsables de l'église? Quels sont les membres qui ont été baptisés? Et en quelle année? Vous voyez, les archives sont importantes pour deux raisons. D'abord, elles nous permettent de retracer l'histoire d'un peuple. Si Israël pouvait retracer son histoire pour connaître combien sont ceux qui étaient en exil et qui sont retournés, c'est à partir des archives qu'on pouvait retrouver cela. Et deuxièmement, les archives permettent de retrouver les origines, les identités de quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui, on demande souvent ce qu'on appelle l'extrait de naissance. C'est au niveau de la mairie, on peut trouver de ce qu'on appelle les extraits de naissance. Lorsque les gens se marient, on peut savoir qui se sont mariés. Donc, les archives sont importantes. Nous ne devons pas négliger, même au niveau de nos églises aujourd'hui. Regardez, quand nous lisons cette longue liste-là, nous trouvons cette expression qui rentre, cette expression qui revient. Les fils de, verset 8. Les filles de Paréosh, 2172. Les filles de Shepatia, 318. Les fils de Lam, 1253. Les archives permettaient d'identifier les gens selon leurs tribus, les origines. Il y a d'autres qui étaient identifiés selon leur ville. C'est ainsi que, par exemple, on dit au verset 25, les filles de Gabaon, 95. Les gens de Bethléem et de Netopha, 198. Les gens d'Anatoth, 128. Les gens de Beth-Advent. Les gens de Kirjat-Jarim. Cela veut dire qu'on peut identifier quelqu'un par ses racines. On peut savoir qu'il est de quel village, de tel village, de telle région, de telle préfecture. Les archives nous permettent de connaître ces choses-là. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier le Seigneur, lui qui nous révèle toutes ses vérités. Chantons ces cantiques. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, je veux te chanter Seigneur. Alléluia, oui Jésus est mon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure, Alléluia. En moi tu es ta demeure, Alléluia. Que ma vie soit une fleur, Alléluia. Un parfum pour toi Seigneur, Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Te bénissons, éternel notre Dieu, toi qui nous as choisis par pure grâce. Tu ne nous as pas choisis à cause de notre ethnie ou nos talents, mais tu nous as choisis parce que tu nous as aimés. Oui, tu nous as aimés depuis la fondation du monde et tu nous as établis. Tu as fait de nous tes enfants. C'est pourquoi nous t'élevons, nous te glorifions, notre Seigneur, notre Dieu. Merci pour Jésus qui est mort sur la croix. Sois béni au Père de ce que en Jésus nous sommes héritiers de ton royaume. Nous t'élevons et nous te glorifions, notre Père, notre Seigneur. Merci de ce que tu es, celui qui nous forge jour après jour, afin que nous te ressemblions. Nous glorifions ton nom pour cela, ô Père, et nous t'élevons dans nos vies. Sois béni, toi le Dieu qui nous aide à donner des instructions nécessaires pour la bonne marche de ton œuvre. Que ton nom seul soit élevé, ô notre Père, notre Seigneur. Nous voulons t'élever, ô Père, de ce que tu ne nous as pas laissés seuls dans ta moisson, mais tu nous as envoyé le Saint-Esprit de vie qui nous conduit jour après jour. Oui, sois magnifié pour le Saint-Esprit de vie qui se glorifie dans nos vies pour ta seule gloire. Glorifie-toi, ô Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre passage du jour, c'est Néhémie 7, 1 à 60. Nous sommes dans notre émission de prière OSB. Nous venons de voir quelques caractéristiques d'un bon leader. Un bon leader, c'est mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ce sont des gens qui sont compétents, des gens qui regardent certaines qualités. Prions le Seigneur pour qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous puissions appliquer ces choses, même dans notre société, dans nos entreprises, afin que les gens que nous désignons soient des personnes compétentes qui remplissent certains critères pour la bonne marche de notre société, de nos églises et de nos administrations. Prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir qu'un bon leader doit apprendre aussi à gouverner avec Dieu. Néhémie se référait à Dieu dans ses décisions. Tu vas prier. Si tu es leader à quelque niveau, prie pour que Dieu te donne la sagesse dans toutes les décisions que tu prends. Tu vas prier pour ton chef. Tu vas prier pour ton directeur. Tu vas prier pour ton ministre. Tu vas prier pour les chefs de l'État, pour le gouvernement, afin que Dieu leur donne la sagesse dans toutes les décisions qu'ils prennent au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Croyons au pouvoir de ta parole, parce que tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous, parce que l'autorité émane de toi. Seigneur, tu nous as fait des administrateurs de la terre que tu as créée, et nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous à pouvoir gouverner par toi, avec toi, en nous appuyant sur ta parole, en étant guidés par le Saint-Esprit. Parce que la sagesse vient de toi, l'intelligence vient de toi, le discernement vient de toi. Toutes les qualités que nous avons viennent de toi, puisque nous sommes créés à ton image. Aide-nous à diriger le monde avec toi, nos familles par toi, tout ce que nous faisons par toi. Sois béni, sois magnifié, sois glorifié, parce que nous voulons compter sur toi. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance des archives. Prions le Seigneur pour que toutes les structures qui s'occupent de l'archivage puissent les faire très bien et que même dans nos églises, nous puissions prendre au sérieux les archives qui peuvent nous permettre de retracer l'histoire, qui peuvent nous permettre de retracer même les origines, les identifications, même sur le plan national, parce que les archives peuvent nous aider au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Dieu, merci pour l'occasion que tu nous donnes encore d'élever ton nom. Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de te bénir, de te magnifier, de t'honorer. L'exemple de Néhémie nous inspire et nous voulons que l'esprit qui animait Néhémie et son équipe soit notre portion au nom de Jésus. Ce matin, nous voulons que tu nous aides à pouvoir mieux classer, pour mieux garder, pour mieux protéger nos documents, nos affaires. Avoir, oh Dieu, oui, l'archivage, un département d'archivage dans nos églises, dans nos sociétés, pour gérer l'histoire, pour l'origine et pour l'identification, pour la classification des choses à venir. Père, nous ne pouvons pas construire le futur, oui, en oubliant totalement le passé. C'est pour cela que je prie que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence pour que tu qualifies des gens dans l'archivage des documents. Béni sois-tu pour ta grâce que tu donnes à quelqu'un ce matin. Béni sois-tu pour ta vie que tu accordes à quelqu'un ce matin. Béni sois-tu pour la force que tu accordes à quelqu'un ce matin. Béni sois-tu pour la porte que tu ouvres dans la vie de quelqu'un. Sois exalté, sois honoré, sois glorifié. Jésus-Christ, notre Rédempteur. Merci encore une fois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.